بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Maintenant, comment on fait la salat sur le Nabi صلى الله عليه وسلم. Nous, lors du dernier tashahhud. يقول في الحديث السابع عشر بعد المئة رحمه الله تعالى. Il dit après le 117e hadith. عن عبد الله بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc le tabi'i qui s'appelle Abdul Rahman ibn Abi Layla a dit qu'il a rencontré le sahabi qui s'appelle Ka'b ibn Ujra. Et que ce dernier lui a dit, ne vais-je pas t'offrir un cadeau? Et l'autre lui a répondu, si. Il lui a informé que, c'est-à-dire le sahabi, Ka'b ibn Ujra, l'a informé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était venu à eux en disant, plutôt que eux lui ont dit lorsqu'ils l'ont vu, ô messager d'Allah, nous avons su comment nous te saluons. Mais comment nous faisons la salat sur toi? Yani, informe-nous comment faire la salat sur toi. Et il dit, dites, ô Allah, fais l'éloge, comble ton Mohammed de tes éloges, ainsi que sa famille, la famille de Mohammed. Comme tu as comblé d'éloges Ibrahim, ainsi que la famille d'Ibrahim, tu es certes très loué et splendide. Et apporte ta baraka sur Mohammed et sur la famille de Mohammed, comme tu l'as apporté sur Ibrahim, la famille d'Ibrahim, tu es certes splendide et très loué. Takriban fait al-ma'ana. Tayyib, yaqulu fadilat al-shir ibn al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Le rapporteur à Rawi, c'est Tabi'i Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullah ta'ala, dont le père, justement, était un Ansari, donc un Sahabi. C'est le fils d'un Sahabi. Donc il a vécu à Médina, ensuite à Koufa. Et il est thiqa parmi les grands tabi'in, et qu'il est mort en l'an 86. Et il a été dit qu'il est mort noyé, et d'autres versions ont été données sur sa mort. Rahimahullah. Et qu'en réalité, c'est lui qui nous informe du hadith, mais le vrai rapporteur du hadith, c'est Ka'b ibn Ujra, car c'est lui, le sahabi, qui a entendu la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, il dit Maudou al-Hadith, le sujet du Hadith, c'est Bayan kafiyat al-Salat ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour nous montrer comment faire la salat sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lors du Tashahhud. Yaqulu fil sharh al-Ijmali. Explication globale. Kana al-Salaf al-Salih yarawna lil-ilm بالشريعه منزله عاليه وان المساله يعلمها الرجل اخاه من افضل التحف التي يهديها اليه. Donc les salaf, justement, vous voyez, donnaient une grande valeur à la science, légiférer, d'accord, du fait que lorsque l'un d'entre eux enseignait une chose à son frère, il voyait que cela avait plus de valeur que les pierres précieuses. D'où le fait que Ka'b ibn Ujra, il a dit à Abdurrahman ibn Abi Layla, ne vais-je pas t'offrir un cadeau? C'est un cadeau de lui enseigner ce hadith. Naam. Tayyib. Thumma. Où est-ce que je m'en suis? Donc, cela pour lui faire comprendre la valeur justement de ce hadith et de l'enseignement qu'il en a tiré et de la grandeur de l'acte d'adoration. Car à la base, ce tashahhud est un rukn, comme on l'a dit, dans la salat, un pilier dans la salat. Donc, قال فأخبره كعب بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم فسألوه عن كيفية الصلاة عليه بعد أن علموا كيف يسلمون عليه ليأتوا بها على الوجه الأكمل. Donc, كعب a informé que le Nabi صلى الله عليه وسلم s'était rendu auprès d'eux et que eux l'avaient interrogé sur la façon de faire la salat sur lui. Car ils avaient déjà su comment le saluer, maintenant ils veulent savoir comment faire la salat sur lui pour le faire de la meilleure des façons. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a informé comment faire cela, comme cela a été cité dans le hadith. Yaqulu fawaid al-hadith, enseignement utile du hadith. Anna kafiyat al-salati ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, anna yaqul, thumma dhakara al-fadh al-hadith. Donc il a montré parmi les premiers enseignements utiles à avoir, c'est la façon de faire la salat sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cita les termes de la formule citée dans le hadith. ثانيا أن أفضل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ما أحدثه المحدثون بعده. Et que la meilleure façon de faire la salat sur le Nabi صلى الله عليه وسلم, c'est ce qui a été rapporté de lui authentiquement, sans prendre en compte ce que les innovateurs ont apporté après lui. ثالثا فضيلة النبي نبي الله إبراهيم على الصلاة عليه الصلاة والسلام, qui montre la valeur et le mérite d'Ibrahim également, car dans le hadith, dans le tashahhud, il est cité. رابعا مشروعية ختم الدعاء بالثناء على الله عز وجل بما يناسب المطلوب. Qu'il est légiféré justement de conclure une invocation en faisant l'éloge d'Allah عز وجل, hein, d'une éloge qui correspond à la demande. Par exemple, si jamais tu invoques pour la rahma, il n'est pas approprié de citer l'un des noms, par exemple, de ces noms qui sont liés à la colère ou la sévérité ou la dureté, par exemple. Naam. Ou également, lorsque l'on invoque pour une chose qu'elle atteigne un mal de quelqu'un qui t'a fait du mal, comme un kafir ou autre, cela, tu ne fais pas son éloge en citant sa miséricorde, par exemple. Ce n'est pas approprié, bien que cela n'est pas interdit, mais ce n'est pas approprié. Khamisan, hirs al-sahaba wa salaf al-umma ala al-ilm bi-shari'a, qui montrait le souci qu'apportaient les sahaba ainsi que les salaf, hein, pour apprendre la science légiférée. De la législation, on dira. نعم. فهذا الذي أخذنا اليوم في هذا الحديث ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.